obsolète, passionné d'astronomie. Il ne tourne pas cette fois sa langue pour plonger sa tête dans les étoiles toutes les nuits et développer sa propre vision des Big Bang. Des sélecteurs. Lui offre des tulipes pour conquérir les cœurs. Puis il enchaîne par un air de flûte de pan. En roulant dans l'herbe, il les entreprend. Difficile à joindre.